France Inter. François Morel, à vous. Vous vous demandez peut-être ce que je fais toute la semaine quand je ne suis pas à la radio. Ce n'est pas compliqué, je réfléchis. Je réfléchis énormément, je réfléchis quasiment à chaque instant de ma vie. C'est impressionnant comme je réfléchis. Un regard extérieur superficiel, me découvrant au lit jusqu'à pas d'heure, les samedis, dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, aurait peut-être l'impression de déceler une certaine langueur dans ma personne, une certaine apathie, voire une léthargie inquiétante du tout. Je réfléchis. Je réfléchis dans mon lit à tel point que je n'ai même pas l'idée d'écouter la radio. Je réfléchis en me resservant un café au lait. Je réfléchis en m'assoupissant après mon deuxième café. Je sais que si je venais tous les jours à la radio, je n'aurais pas autant de temps pour réfléchir. Je serais un gars comme Claude Askolovitch, une espèce de tâcheron qui passe ses journées à recopier les journaux, ce qui est certes une activité laborieuse, mais qui ne l'amène pas au niveau de réflexion que je peux atteindre du fait de mon unique présence le vendredi. Car je réfléchis dans la perspective de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent, car il y a différents problèmes qui se posent. Par exemple, les retraites. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, occupé que vous êtes à suivre les nouvelles au jour le jour, le nez dans le guidon de l'actualité, mais la question de la retraite, et précisément du recul de l'âge de la retraite, suscite un certain nombre de polémiques et d'avis contradictoires. Si j'ai pu le constater, en tout cas en avoir une solide intuition, c'est grâce à cette position de recul qui est la mienne, en ne venant ici qu'une fois par semaine. Alors, la retraite, plutôt que s'énerver, s'arc-bouter chacun sur ses positions, je pense qu'on ferait mieux, sur mon modèle, de réfléchir et de s'inspirer des solutions qui ont été trouvées dans certains secteurs d'activité, notamment à l'étranger, et qui ont donné des résultats positifs. Je pense au Vatican et à la profession de pape. Benoît XVI nous a quittés le 31 décembre 2022. Il avait pris sa retraite à 86 ans, le 28 février 2013. Le pape émérite a pu profiter pendant 118 mensualités de 2 500 €, ce qui, certes, n'est pas extravagant quand on pense qu'il a été le chef de l'Église. C'est-à-dire que si le Vatican était LVMH, Benoît XVI aurait été pendant une période le Bernard Arnault du Vatican, et la retraite à laquelle Bernard Arnault peut prétendre est supérieure à 2 500 €. Vous me direz oui, mais Benoît XVI n'avait pas d'enfant et sa retraite était quand même confortable s'agissant d'un célibataire. Oui, mais ce n'est pas la question. On peut imaginer que Benoît XVI pouvait avoir envie de faire plaisir à ses neveux, à ses nièces, en les emmenant en week-end, qui au parc Astérix, qui à Aqua Boulevard, qui au Futuroscope. Mais ne nous égarons pas, ce que je voulais dire, c'est que le système de retraite du Vatican par répartition et contributif est particulièrement inspirant, puisque le pape, dont le métier, je le rappelle, est une profession de foi, cotise toute sa vie alors qu'il ne touche sa retraite qu'une fois tous les 600 ans. Le précédent pape, avant Benoît XVI, à avoir profité d'une pension, était Grégoire XII à 88 ans en 1415. Voilà un éclairage, oui, et une contribution que je n'aurais pas pu partager si je ne passais pas autant de temps à réfléchir. Merci François Morel. Et un mot sur votre spectacle sur Raymond Devos, J'ai des doutes, qui est en tournée dans toute la France et en Suisse, avec deux dates exceptionnelles au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, les 14 et 15 février.